Conscience supramentale et guérison, enregistrement fait lors du mois de juillet de l'année 2024. Donc, est-ce que la conscience supramentale peut amener des guérisons, donc son intégration par rapport à des individus? Ça dépend. Parce que la conscience supramentale a pour l'individu qui est appelé à la vivre, à la connaître, à connaître un changement vibratoire pour connaître une évolution de conscience. Ce n'est pas nécessairement guérir. Et ça, c'est un aspect important. Parce que beaucoup de personnes peuvent vouloir s'intéresser en tant qu'ego subjectivement à la conscience supramentale en ayant le désir de connaître une guérison et que la conscience vibratoire leur permette de connaître une amélioration significative de leur santé, mais ce qu'il faut comprendre que la conscience vibratoire, sa finalité, c'est pas nécessairement que la personne connaisse une guérison. Bien entendu, ça va décevoir sans doute plusieurs personnes qui écoutent l'enregistrement. Moi-même, je suis contrarié par rapport à cette réalité-là, mais en même temps, ben, il faut regarder certaines réalité en pleine face, dans le sens que si vous prenez par exemple le cas de Bernard de Montréal qui a initié le mouvement de la conscience supramentale au Québec et qui est devenu au moment où il a fait cette capsule audio une figure de référence dans le domaine de la diffusion de la conscience supramentale sur le web avec plusieurs milliers de visionnements en relation avec ses vidéos. Bon, ben, Bernard de Montréal est décédé d'un cancer de l'intestin et lorsqu'il faisait des conférences dans les derniers temps avant qu'il meure du cancer, eh bien, il racontait qu'il allait voir par en dedans puis ça lui disait que tout était correct. Donc, tout était correct, c'est sûr que pour un individu, entre guillemets, normal, va dire, ben, ça n'a pas de bon sens. Il est en contact avec une conscience vibratoire puis. Et ça ne l'empêche pas de connaître le cancer. Parce que dans le fond, le but de la conscience supramentale, ce n'est pas nécessairement que l'individu guérisse un problème de santé, qu'il a une santé parfaite ou qu'il connaisse l'immortalité sur le plan physique. Le but de la conscience supramentale, c'est que la conscience de l'individu qui a à vivre la fusion avec l'esprit soit ajustée vibratoirement par rapport à l'esprit, et que l'individu triomphe de certaines peurs, de certaines craintes qu'il peut avoir qui sont liées à l'astral. Donc, autrement dit, que la personne soit intacte sur le plan psychique, qu'il soit capable de compter des grandes charges d'énergie pour qu'il connaisse une optimisation. C'est un petit peu comme un véhicule automobile qui, avec les années, on cherche à améliorer, on cherche à optimiser son fonctionnement. Pourquoi? Ben, parce que plus que la personne est capable de contenir l'énergie, plus qu'elle intègre la fusion, plus qu'à ce moment-là, ses priorités de vie aussi peuvent changer, puis il peut comprendre la fonction puis l'intelligence d'une maladie, un peu comme Bernard de Montréal l'expliquait en conférence. Beaucoup de personnes, dans le fond, qui sont confrontées à une maladie, ne vivront pas ça ainsi. Par contre, la maladie peut avoir une fonction dans la vie de l'individu concerné ou par rapport aux gens de l'environnement. Le fait qu'un individu qui a assumé une forme de leadership dans la diffusion de la conscience pendant plusieurs années et qui a été malencontreusement idéolâtré ou idéalisé par certains individus décède d'un cancer et que cette information soit connue publiquement, comme le cas de Bernard de Montréal, ça a une fonction dans le sens qu'il y a des gens qui peuvent croire que Bernard était immortel sur le plan physique, bon, mais le fait qu'il décède, dans le fond, ça a amené des gens à arrêter de l'idéaliser à un certain niveau et de réaliser qu'il y a une condition humaine. Par contre, c'est tout le temps de voir que si la personne passe ou non à travers la maladie, c'est en relation avec certaines programmations. Donc, c'est sûr que ce qui peut faire obstacle à une guérison, la médecine conventionnelle en a fait l'étude. On parle, par exemple, problème de gestion émotionnelle, problème de gestion de stress, problème lié à une génétique défaillante qui prédispose à certaines maladies. Ensuite, problème lié à une mauvaise alimentation, problème lié à une trop grande sédentarité, c'est-à-dire passer trop de temps assis sur le plan physique. la personne ne bouge pas assez. Ensuite, problème par rapport à des heures de sommeil irrégulières, problème lié au stress au travail, problème lié au stress amoureux, problème lié au stress et tensions qui peuvent être vécues à passer trop de temps devant des ordinateurs. Donc, on pourrait énumérer un paquet de facteurs qui peuvent nuire à la santé. Donc, il peut y avoir une dimension qui empêche la personne de guérir liée à des éléments de santé. Donc, c'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui est en quête de guérison, bon, il peut regarder du côté de la médecine conventionnelle qui se développe au fil du temps, qui va proposer des choses. La personne aussi peut regarder du côté de la médecine qu'on va dire parallèle, c'est-à-dire il y en a qui vont faire des soins énergétiques, du Reiki, il y a des magnétiseurs, il y a de l'hypnothérapie, il y a de la thérapie quantique, etc. Il y a toutes sortes d'appellations, d'adages, d'éléments qui visent en parallèle à favoriser la santé. Je dis en parallèle, je devrais peut-être le mot le plus ajusté, ce serait de parler de médecine complémentaire ou de traitement favorisant la santé de manière complémentaire parce que, en réalité, dans le fond, la médecine complémentaire, c'est que ça nie pas la médecine officielle, ça vient rajouter. Tandis que la médecine alternative, c'est de dire, ben, on délaisse la médecine traditionnelle pour faire autre chose. Tandis que ma vision des choses, c'est que tout un certain niveau peut servir, donc la médecine traditionnelle et la médecine aussi complémentaire, et les deux utilisant synergie peuvent favoriser la guérison. C'est sûr qu'au niveau de la conscience individuelle en relation avec l'esprit, l'individu peut questionner naturellement sa contrepartie cosmique, son esprit, son double, puis lui poser la question pourquoi qu'il est malade. Puis là, il peut regarder s'il y a une réponse qui émerge. S'il n'y a pas de réponse qui émerge, puis dans un état de silence, à ce moment-là, la personne, dans certains cas, peut entrer en état de colère mentale pour amener l'esprit à lui parler. Mais les réponses qu'on peut tirer de l'esprit dans certains cas peuvent être extrêmement contrariantes ou choquantes. Dans le sens que ben, je peux parler de ce que je connais très bien. Moi, j'ai un problème de santé au niveau du pénis. C'est-à-dire, ça s'appelle un lichen sclérotrophique qui fait que la peau, entre autres, de mon méa urétral, le bout de mon urètre, peut boucher. Et j'ai été opéré par rapport à ça l'année passée. Ça n'a pas été agréable. Mais j'avais comme pas le choix, j'avais de la difficulté à uriner. Puis suite à l'opération, ben le traitement, c'est d'utiliser un dilatateur du méa urétral, une belle expression technique pour dire ben de me rentrer une tige de plastique deux fois par jour dans le pédis pour s'assurer que la peau ne referme pas et ainsi m'empêcher d'uriner. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que ce problème-là de santé que j'ai, dans le fond, me cause concrètement un problème au niveau de ma conscience? La réponse, c'est non, ça ne m'empêche pas d'être en contact avec l'esprit. Fait qu'au niveau de l'esprit, si j'ai ce problème-là sur le plan physique, mais ça ne m'empêche pas d'être en contact avec sa réalité, pour lui, ça ne pose pas concrètement problème parce que à ce moment-là, je ne suis pas déconnecté de ma source, puis il peut continuer à m'ajuster vibratoirement puis m'acheminer certaines idées. Donc, puis en même temps, ben, de mon côté, ben, ça ne m'empêche pas d'être en contact avec le haut volet de ma conscience. Donc, à un certain niveau, présentement, ma situation est stable. Au lieu de m'enfoncer, ça fait quasiment un an. Deux fois par jour, une tige de plastique dans le pénis. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit pour s'informer, parce que j'ai déjà parlé de mes problèmes de santé il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, si ma situation s'est améliorée, puis je pense que la personne était un peu curieuse de voir, bon, ben, est-ce que à travers mes démarches, j'ai trouvé une forme thérapeutique ou de quelque chose qui est propice à la guérison ou obtenu une guérison ou une amélioration significative? La réponse, c'est non. Donc, au moins, c'est honnête, là. En tant qu'ego, j'ai pas nécessairement ce que je veux dans ma vie. Puis, je sais que c'est le cas de la part. C'est la même chose pour plein de personnes. Fait que, malheureusement, j'ai pas de recette miracle à vous proposer. Naturellement, s'il y avait une recette miracle, inquiétez-vous pas que je me l'aurais appliquée à moi-même pour plus avoir de problèmes de santé. Mais ce qu'il faut que je réalise avec en étant humble, c'est que ma vie, sur le plan biologique, mon corps biologique est soumis à des programmations que je ne peux pas toutes contrôler à partir de mon ego. Certes, ma conscience et ma volonté individuelle portent une incidence sur ma santé. D'ailleurs, ça a été amplement démontré sur le plan scientifique par rapport à la réalité de l'effet placebo, dans le sens qu'une personne, par exemple, va prendre une substance comme des pilules avec du sucre, puis la personne croit qu'un agent actif alors que c'est pas vrai, mais qu'elle évalue que son état s'améliore ou que son état s'améliore. Bon, ben, il y a une dimension constitutrice de la conscience individuelle qui a une incidence sur la santé. Ça, c'est une réalité. Par contre, le point à savoir, est-ce que l'énergie du supramental, de la conscience éthérique, il suffit juste de l'invoquer pour connaître une restauration sur le plan vibratoire ou que ça va s'ajuster aux caprices de l'ego? La réponse est non. En fait, dans l'intégration du principe de l'intelligence, dans certains cas, par rapport à une situation importante qui se dégrade, prenons par exemple quelqu'un qui est atteint d'un cancer. La personne est atteinte d'un cancer de grade 4, c'est-à-dire en phase terminale, puis la personne connaît des métastases qui se propagent au sein de son organisme. Bon, la personne, elle sait très bien que si la situation continue, elle n'aura pas de rémission, puis elle va mourir probablement dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, la personne peut poser dans une situation pareille la question à l'esprit si c'est intelligent qu'elle meure ainsi, si elle a pu réaliser ce qu'elle avait accompli sur la Terre. Puis dans certains cas, ça peut dire oui. Un peu comme Bernard de Montréal se disait intérieurement que tout était correct alors qu'il était en train de dépérir d'un cancer. Pourquoi qu'une situation pareille peut exister? C'est que, dans le fond, l'individu est assujetti à des programmations, puis c'est en étant capable d'être ouvert à la conscience impersonnelle qui se rapporte à sa personne qui peut en saisir l'intelligence. C'est sûr que tant que l'ego réfléchit, tant que l'ego vibre au désir d'être absenté à tout prix, il peut résister à certaines formes de programmation. Par contre, si l'ego est capable d'ouvrir ses œillères et se dégager en conscience, puis regarder sa vie d'une manière plus impersonnelle, c'est-à-dire en intégrant la dimension impersonnelle se rapportant à lui, il peut réaliser l'intelligence de certaines programmations. Prenons par exemple le cas d'une personne qui a à vivre sur Terre un certain nombre de temps pour véhiculer une instruction par rapport à des gens, sauf que c'est un mandat temporaire. Il y a des initiés qui sont venus sur la Terre et il y a des gens qui vont mourir d'une manière moins âgée que la population en général. Si, par exemple, l'expérience de vie est de 82 ans au Canada et que la personne meurt avant ça, ben, on peut, d'une certaine perspective, dire ben, la personne est morte plus jeune que la moyenne de la population en général, donc dans un certain sens, est morte d'une manière prématurée. Il y a des gens comme Daniel Kemp, Bernard de Montréal, qui sont morts et ne se sont pas rendus à 82 ans, sauf qu'il faut toujours se poser la question par rapport à l'esprit puis au mandat de la conscience à travers un corps. Si c'est intelligent que la personne reste sur Terre longtemps, c'est un petit peu comme la Terre doit être vue et perçue comme une planète école où des êtres vont faire des mandats, actualiser des agendas ici, mais que c'est un rôle temporaire. Un peu comme quelqu'un, par exemple, qui va aller faire de l'aide humanitaire dans un pays en voie de développement pour, par exemple, aller nettoyer un dépotoir avec des gens de la population locale. Bon, ben elle vise pas à s'établir dans le dépotoir puis rester là pour toujours. Non, elle veut aider des gens à commencer à faire le ménage, enclencher une roue, un mécanisme d'évolution. Puis par la suite, une fois que la roue est enclenchée ou que l'économie d'un pays en voie de développement est restaurée par rapport à l'intégration, par exemple, de méthodes plus efficaces et productives pour faire de l'agriculture, bien, une fois que ces gens qui ont de la difficulté à faire de l'agriculture ont bénéficié d'un savoir, de techniques, etc., bien, ces gens-là passent à autre chose. Ils ne visent pas à rester là d'une manière éternelle. Pourquoi? Parce que la Terre, c'est un lieu de transition. Et le corps biologique est une forme également transitoire. Donc, à ce moment-là, l'individu qui vit une conscience vibratoire, il faut qu'il y ait un certain détachement par rapport à la forme du corps physique puis par rapport au processus de guérison. Puis d'une certaine perspective, lorsqu'on évolue en conscience, on peut en venir à un point de réaliser que ce qui est important en priorité, c'est pas nécessairement de chercher une guérison à tout prix, c'est d'être cohérent dans le mental, d'être bien dans sa peau. Peu importe la situation sur le plan physique, puis s'organiser aussi, d'être bien dans sa peau en utilisant les moyens qu'on a, que ce soit à travers la science officielle ou la science parallèle, pour le favoriser. Donc, le regard que j'ai par rapport à ça, certains individus, par exemple, peuvent vouloir avoir une guérison, mais s'il ne parvient pas à la guérison, puis s'il voit que, par exemple, la personne est atteinte d'un cancer grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, bon, mais si la personne est rendue un cancer en phase terminale, puis, dans le fond, la possibilité d'une guérison devient de plus en plus difficile, puis elle souffre sur le plan physique, lié à l'augmentation de la masse de la tumeur et la propagation au sein de l'organisme de métastase, bon, ben, puis elle s'affaiblit, ben, c'est sûr que au niveau de la conscience, dans certains cas, ça peut être intelligent de vouloir mourir dans la dignité. Donc, puis ça peut dire intérieurement à la personne aussi que la vie sur la Terre, c'est une vie qui est temporaire en fonction de l'actualisation d'une programmation qui concerne son existence et certaines autres personnes de son environnement. La personne, la finalité, c'est pas d'être ici pour toujours puis d'être éternel sur le plan biologique. Parce qu'en ça, la personne, si elle désire ça, elle va souffrir. Puis plus que les exigences sont élevées, plus qu'elle s'expose à de la souffrance. Donc, l'intelligence, c'est dans la résilience par rapport à la situation planétaire. La personne, certes, qui commence à être malade, elle peut agir pour favoriser sa santé en utilisant la science officielle, des thérapies alternatives. Elle peut aussi entrer en contact avec l'esprit. L'un des moyens pour y arriver, entrer en contact avec l'esprit, c'est un peu comme le faisaient dans des temps immémoriaux les chamans. Les chamans utilisaient la transe. Ils utilisaient entre autres le son des tambours avec des sons faits d'une manière répétitive qui engendre un état de transe. Bon, ben, quelqu'un qui vit d'une conscience supramentale peut actualiser le même principe dans un contexte contemporain en utilisant par exemple un crayon, en faisant des barres de gauche à droite, barres gauche à droite, d'une manière répétitive. Pourquoi? Parce que ça induit un état de transe dans la conscience. Puis pendant que je vous parle, je suis en train de faire ça. Puis en faisant ça, ben les idées viennent de ma conscience. Pourquoi? Parce que je me mets disponible en tant qu'ego à une disponibilité à des idées vont m'éclairer sur certains sujets qui vont venir. Donc, je laisse venir les idées. Pourquoi? Parce que ça me permet de sortir de l'état de réflexion et induire un état de transe légère. Quelqu'un dans le domaine de la haute spiritualité va utiliser par exemple le pendule. Le pendule va osciller, il va faire par exemple des mouvements de gauche à droite, ainsi de suite. Bon, mais l'oscillation du pendule peut induire un état de transe cognitive et la personne peut en tirer profit. C'est à travers l'état de transe cognitive que l'esprit peut s'exprimer à travers l'ego parce qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que l'ego est détaché du processus réflectif, donc est disponibilité par rapport à une dimension plus intuitive de lui-même pour lui communiquer, lui acheminer de l'information et lui sortir momentanément de sa prison psychologique qui pouvait lier à une vision conditionnée du monde et de la réalité et ainsi le rendre disponible à des idées nouvelles créatives qui peuvent, par exemple, lui donner un nouveau regard sur le problème de santé qu'il y a dans l'optique de composer intelligemment avec. Composer intelligemment qu'un problème de santé, ça peut certes, dans le fond, recevoir une information à un moment donné, par exemple, d'arrêter de fumer la cigarette, faire plus de sport, arrêter de manger trop sucré, parce que ça amène des problèmes pour boucher les artères. Arrêter de manger trop sucré parce que ça amène des problèmes d'obésité et de diabète. Arrêter de boire de l'alcool parce que ça peut occasionner une cirrhose du foie. Arrêter de manger trop gras parce que ça peut boucher les artères. Arrêter de manger trop salé parce que ça peut amener l'hypertension, et ainsi de suite. Donc, ça peut amener un ajustement du mode de vie de la personne. Donc, l'esprit peut s'actualiser dans ce sens-là si, entre autres, le fait que la personne reste en santé longtemps participe à un agenda évolutif et intelligent par rapport à ce que l'individu a à vivre par rapport à sa programmation terrestre en lien avec sa relation avec l'esprit. Donc, autrement dit, si ça sert. Et là, c'est un petit peu plate parce que il y a des gens, par exemple, qui sont marqués sont préprogrammés pour vivre pendant 82 ans, d'autres 100 ans, puis d'autres 64 ans ou 38 ans. Bon, ben, c'est en fonction de ce que chacun a accompli. Et le but de l'accomplissement au niveau de l'esprit, c'est pas que l'individu, en priorité, vive longtemps, c'est que l'individu devienne de plus en plus un canal perfectionné dans la réception de l'énergie ou que des gens de son environnement deviennent un canal perfectionné dans la réception de l'énergie du plan éthérique et qu'il soit dépollué sur le plan de l'ego, qui diminue en orgueil. Comme par exemple, quelqu'un qui a un problème de santé important à 20 ans, bon, ben, ça se peut qu'il soit moins orgueilleux, donc qu'il se tienne tranquille. C'est sûr que moi, quand que j'ai eu mon problème de peau au pénis, d'ailleurs, je vous en parle parce que c'est une situation de santé extrêmement délicate. Je me sentais pas gros dans mes culottes, je me sentais pas viril avec ce problème-là. D'ailleurs, il y a une période où je pouvais pas avoir de relations sexuelles là, suite à l'opération. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, je pouvais pas nourrir un orgueil à l'égard de ma sexualité. Donc, j'étais pas en puissance du tout dans la dimension sexuelle de ma vie. J'étais plutôt à vouloir l'éviter. Donc, il y a des conditions physiques qui amènent l'individu à diminuer l'orgueil. C'est sûr qu'ultimement, l'esprit, son objectif, c'est que l'ego ne soit pas orgueilleux. Pourquoi? Pour être disponible à la perception, à la réception optimale de sa vibration. Et si, au niveau de l'esprit, c'est intelligent qu'une personne ait un problème de santé chronique parce qu'à ce moment-là, cette personne-là ne se prend pas pour un autre. C'est sûr que dans mon cas, après l'opération que j'ai eue, je voulais pas avoir un partnership amoureux polyérotique. Je voulais rien savoir avoir une vie sexuelle parce que dans les jours qui ont suivi suite à l'incision, j'avais des douleurs dans le fond à chaque fois que j'urinais ou même chose pour une éjaculation parce que tout ce qui passait à travers l'urètre me faisait mal. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que les problèmes de santé, dans certains cas, ont pour une fonction d'éviter des débordements de l'ego. Pour que l'ego se tienne tranquille. Mais il peut avoir d'autres fonctions par rapport à l'esprit. L'esprit cherche à faire évoluer la conscience et je le répète depuis tantôt, mais c'est quand même fondamental. La finalité de l'esprit, c'est pas nécessairement la guérison. Fait que si vous attendez que l'esprit, en écoutant les enregistrements liés à la conscience, vous permette de guérir d'une maladie, c'est pas nécessairement le cas. Fait que vous pouvez être déçu dans certains cas. D'ailleurs, une des raisons pourquoi que je fais pas présentement des ateliers, il y en a qui sont prêts à payer plusieurs centaines de dollars pour assister à des ateliers de conscience en lien avec la croissance personnelle dans l'optique de guérir de maladies. C'est que ce que j'en perçois, c'est que le résultat est incertain et c'est du cas par cas. Mais ce que je dis aux gens, ben, si vous avez un problème de santé et vous avez une volonté individuelle de vous en sortir, ben, c'est d'agir en conséquence. Vous pouvez consulter différents types de ressources. Puis à l'époque actuelle, grâce à Internet, ben, vous êtes en contact avec plusieurs trucs, des choses qui aident la santé. Quelqu'un peut écouter un enregistrement d'auto-hypnose. Pour induire un état de détente qui est propice à la manifestation et ses mécanismes d'auto-guérison. Donc, il y a des choses qui peuvent aider, comme les enregistrements qu'on peut écouter qui aident à dormir. C'est ce que je vais faire, parfois même. Ensuite, quelqu'un peut s'intéresser à la dimension psychosomatique par rapport à son problème de santé en faisant des lectures par rapport à ça. Il y a des gens qui vont consulter des médiums, des guérisseurs, des voyants pour donner un éclairage sur le problème de santé d'une manière plus intuitive que le médecin cartésien, intellectuel, traditionnel ne donnera pas. Naturellement, dans mon cas, je ne donne pas d'éclairage sur des problèmes de santé. Dans le fond, j'ai une éthique en relation avec le fait tout simplement que nul ne peut réaliser un diagnostic ou un traitement médical n'étant pas médecin, surtout dans les pays occidentaux comme le Québec, le Canada devrais-je dire, la France, parce que la personne s'expose à des poursuites. Je me mêle de mes affaires. De toute façon, ma santé n'est pas impeccable. Puis je suis en contact avec plusieurs personnes. J'ai consulté au fil du temps des gens qui font des soins énergétiques. Je réalise que finalement mes observations en tant qu'individu sont un petit peu ennuyeuses ou plates dans le sens que ce que j'observe, c'est que tous les gens finissent tôt ou tard à mourir. Et généralement, ben, les gens, quand ils avancent en âge, sont confrontés à des problèmes de santé qui vont augmenter. Donc, c'est sûr qu'en vieillissant, ben, le risque qu'il y ait, par exemple, des erreurs dans la reproduction de cellules qui génèrent un cancer augmente. Le risque de diminution du système immunitaire qui peut amener, par exemple, à ce qu'une grippe soit mortelle parce que le système est plus faible au niveau immunitaire pour le combattre, augmente. Ensuite, en vieillissant, ben, c'est sûr qu'il y a toute la dégradation des os. Ensuite, il y a la dégradation aussi par rapport aux artères, par rapport au système cardiaque, ainsi de suite. Fait que la façon que je vois ça, ben, c'est que la personne, tu viens en vieillissant, va, sur le plan biologique, décéder en relation avec les failles de son organisme, certaines prédictions aussi génétiques. Mais, ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a des cas où des gens ont retrouvé la santé en relation avec, que ce soit la médecine traditionnelle ou la médecine alternative, il y a quand même une capacité d'agir sur la santé. Sauf que la capacité d'agir sur la santé n'est pas nécessairement absolue, puis ultimement, la vie de l'individu est en relation avec des lois d'énergie, de programmation et de sa relation avec l'esprit. L'esprit a le dernier mot par rapport à la vie de l'individu. Avec les débuts dans le passé, je l'acceptais pas, j'étais en dynamique de la contestation. Je rentrais dans des états de colère mentale, puis en étant obligé d'être transparent dans mon ego objectif, je suis obligé de reconnaître mentalement des choses qui ne me font pas mon affaire. Et ça fait mal, c'est frustrant pour l'ego, j'ai déjà fait des crises. Puis la dimension de la santé en tant qu'individu, c'est une dimension qui, dans mon cas, m'affecte beaucoup. Je trouve ça plate. T'sais. Si j'échange avec quelqu'un sur Facebook, la personne me dit, regarde... j'ai eu des problèmes cardiaques, je me suis retrouvé la santé, ou une autre personne a tel autre problème de santé. J'ai tendance sympathique, à être empathique, puis souhaiter en tant qu'ego le meilleur à la personne. Sauf qu'en même temps, il y a des aspects qui peuvent échapper à mon ego et que dans certains cas, ça peut être plus intelligent qu'une personne soit malade qu'en santé, dans le sens que si le problème de santé amène la personne à intégrer la vibration de l'esprit, et réaliser des potentialités qu'elle avait en latence, qu'elle n'a pas actualisées, ben à ce moment-là, la maladie a une fonction évolutive dans le cadre de la vie de l'individu. Mais c'est pas nécessairement tout le temps le cas. Puis là, ça devient compliqué, parce que l'individu peut mal interpréter la maladie. La maladie peut être en relation avec le plan astral, c'est pas nécessairement... quelque chose qui est voulu par l'esprit, dans le sens que, par exemple, une personne, ça peut dire intérieurement, sa petite voix intérieure, de manger d'une manière saine, sauf que ça fait 40 ans qu'elle ne fait pas, puis elle mange tout le temps des produits qui sont trop sucrés, trop salés, avec trop de matières grasses. Puis là, après ça, la personne, elle se ramasse avec des problèmes d'obésité, puis les artères bouchent. Ou des problèmes de diabète. C'est sûr que le mode de vie a une incidence. Et le mode de vie est engendré, entre autres, à travers des influences externes pernicieuses. Prenons par exemple la publicité qui nous incite, dans certains cas, à manger de la malbouffe, ou les gens de notre environnement. Les gens de notre environnement, dans le fond, à travers des repas d'amis, des repas en famille, vont servir de la nourriture qui manque d'ajustement. Et si on veut leur faire plaisir, bon, on va manger cette nourriture-là, même si ça ne nous tente pas nécessairement. Pourquoi? Ben, parce que l'ego cherche à plaire au collectif. Quelqu'un, en fait, ce que j'ai à dire, si je regarde la réalité avec les yeux de ma conscience, c'est que il y a beaucoup de choses dans notre vie et civilisation occidentale qui manquent d'ajustement quand on les regarde dans le recul. Donc, des fois, ça me met en colère de voir comment qu'on est, et ça, c'est dans ma conscience critique, aussi se développer sur le plan de la gestion, ne serait-ce que de l'alimentation, dans le sens que il y a des épidémies d'obésité dans les pays occidentaux, alors que d'autres endroits dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas assez accès de la nourriture. Tu sais, il y en a qui sont trop gras, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas assez, puis qui ont des problèmes de sous-alimentation. Donc, on voit qu'il y a un problème de gestion, il y a un manque de logique. Et le manque de logique dans la gestion des ressources alimentaires, ben, c'est en relation, entre autres, avec l'activité astrale qui fait interférence au bon fonctionnement de la répartition de l'alimentation ou de la bonne gestion, dans le sens que le désir, par exemple, des actionnaires d'entreprises du domaine du lobby du sucre, ben, c'est que les gens boivent et mangent de plus en plus sucré parce qu'à ce moment-là, ça leur permet de faire de l'argent. Et au diable, la santé. Donc, c'est pas nécessairement leur priorité. Leur priorité, c'est qu'il y ait du profit. Puis pour créer du profit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de créer des produits qui sont addictifs. C'est-à-dire qu'ils rendent dépendants. Prenons par exemple la cigarette qui comporte de la nicotine. Bon, ben, s'ils ajoutent du sucre à la cigarette, puis le sucre amène une dépendance, puis à ce moment-là, ça amène des entrées d'argent récurrentes, ben, au niveau du rendement du produit, si on en vend plus, ben, c'est intelligent. Mais c'est dans la perspective d'égo qui font preuve d'avarice et qui veulent faire le plus d'argent à tout prix, quitte à faire en sorte qu'une partie de la population, dans le fond, ait une très mauvaise santé. Ça fait partie des effets pervers du système économique. Et qu'est-ce qui peut prémunir l'individu de tout ça? Bien, c'est le développement d'une intelligence individualisée puis la capacité de dire non. Dans le sens que si la personne voit une fête d'amis, la personne n'est pas obligée de prendre trois ou quatre cocktails d'alcool, surtout que c'est très sucré. Ça me fait penser, à un moment donné, j'avais une discussion avec une personne, puis on parlait d'une nutritionniste québécoise qui, lors d'une conférence, avait dit, « Ben, vous n'êtes pas supposé à des gens de prendre du dessert. » Et la foule avait été tellement offusquée que par la suite, elle était obligée de se rétracter pour dire que, « Oui, vous pouvez prendre un petit peu de dessert, mais pas beaucoup. » Mais à la base, ce que j'avais perçu, c'est que la nutritionniste n'avait pas tort. L'idée de base était la bonne. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est plate, là. Il y a des gens qui vont m'écouter et vont dire c'est vraiment plate ce que tu dis. C'est que l'être humain, avant l'ère industrielle, le sucre était rare. Puis on est programmé sur le plan biologique à aimer le sucre. Parce que avant l'ère industrielle, soit à peu près les 150 dernières années, c'était difficile d'avoir accès à du sucre, puis du sucre dans la nature, il n'y en a pas tant que ça. Et comme l'être humain était confronté à des périodes de pénurie, de disette, bien à ce moment-là, si la personne était accro au sucre, était programmée pour aimer en particulier le goût du sucre, c'était adapté parce que ça lui permettait de faire des réserves de nourriture. Or, dans un contexte où le sucre est abondant partout, on en rajoute dans toutes sortes de produits, c'est inadapté. Et l'idée de prendre un dessert sucré après tous les repas, voire un déjeuner sucré, d'une perspective consciente, c'est inintelligent. Elle a dit la vérité, ça a créé tellement des chocs. C'est sûr, comme nutritionniste, elle veut continuer à vendre des livres, donner des conférences. Il faut qu'elle dise aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ça, je le comprends. C'est pour ça qu'elle s'est rétractée. Il y a certaines personnes, sans doute, qui vont m'écouter, qui vont être capables de voir un peu entre les lignes là, de qui je fais allusion, advenant le cas. Mais bref, son identité n'est pas importante. Ce qui est important derrière ça, c'est qu'il y a certaines réalités qui sont indigestes ou difficiles à accepter. L'une des réalités difficiles à accepter en lien avec le sujet de base d'enregistrement, c'est-à-dire le phénomène de la guérison, c'est que l'être humain n'a pas nécessairement la possibilité tout le temps de s'auto-guérir. Certes, le corps biologique a des mécanismes d'auto-guérison. Prenons par exemple une plaie qui est ouverte suite à une coupure. Bon, la plaie va se refermer par elle-même, mais ce n'est pas nécessairement absolu. Certes, il y a des états d'âme qui vont favoriser l'auto-guérison. Prenons par exemple quelqu'un qui va faire de la méditation. Prenons par exemple une personne qui est capable de neutraliser la peur, les états de stress oxydatif pour l'organisme, dans le sens que le stress, c'est quelque chose qui, si vécu d'une manière perpétuelle, est extrêmement néfaste parce que ça amène une sécrétion du cortisol, qui est une hormone, et quand l'organisme est occupé à mobiliser ses énergies pour produire l'hormone du cortisol qui est liée au stress, ben, l'énergie ne va pas pour le système immunitaire qui sert à combattre les virus et amener la guérison. Donc, il y a des mécanismes biologiques à comprendre. Certes, l'ego peut les utiliser. Certes, ça peut favoriser sa santé. Sauf que pour des raisons de programmation, l'ego, c'est sûr, il peut agir pour favoriser sa santé. S'il neutralise l'activité astrale, il se dépollue de l'astral, ça va l'aider en ce sens-là. Il y a différents volets sur lesquels il peut agir, sauf que la marge de manœuvre n'est pas infinie. Puis il y a des lois de programmation aussi qui s'exécutent, dans le sens que même quelqu'un qui prendrait super soin de sa santé, ben peut-être à un moment donné, il va se lever de chez lui le matin, il va prendre son auto, puis il va avoir un accident mortel. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois d'opération qui sont en. De lois, pardon, de programmation qui s'opèrent et qui vont pas nécessairement dans le sens de la volonté individuelle. Donc, à ce moment-là, le principe de l'intelligence, c'est de développer une forme de résilience, puis de s'organiser, d'être bien dans sa peau tout le temps, dans le mental, être intact dans le mental. Donc, c'est-à-dire être dans un état mental libre de la peur, parce que quelqu'un qui est malade, il peut avoir peur de mourir de la maladie, il peut se faire astraliser, il peut se sentir coupable. Quelqu'un qui ne s'auto-guérit pas, puis il va lire des livres, par exemple, en relation avec la dimension psychosomatique, il va dire, ben là, si je suis malade, c'est à cause de moi, c'est lié à ma psyché qui somatise la maladie. Alors qu'il peut y avoir des variables environnementales, prenons par exemple les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire les pesticides qui, absorbés en grande quantité par des individus ou exposition directe, prenons par exemple quelqu'un qui travaille dans un champ de vigne qui est arrosé régulièrement par des pesticides, bon, ben la personne, elle peut faire autant de visualisations créatrices pour trouver l'état de santé si elle est atteinte d'un cancer lié à l'exposition en grande quantité de pesticides. Mais si elle continue à travailler en étant exposée à des pesticides puis elle ne change pas d'environnement, à ce moment-là, puis aussi elle peut avoir atteint un seuil irréversible, bon, ben, la pollution de l'environnement, ça peut être extrêmement délétère puis nuisible. Donc, puis l'environnement dans lequel l'individu se trouve n'est pas nécessairement sain. Donc, ça, c'est un autre. Il y a différentes variables qui agissent là-dedans. En fait, l'individu, sur quoi il peut agir, c'est son rapport à sa conscience. Puis s'organiser d'être dans la paix du mental, qu'il soit en santé ou qu'il soit malade, qu'il guérisse ou qu'il ne guérisse pas. Donc, c'est là-dessus que je voulais en venir. C'est sûr que quand je regarde ou j'entends parler des gens qui sont malades dans ma dimension, plus en tant qu'égo empathique, tu sais, c'est sûr que j'aime ça que les gens dans mon environnement soient heureux, soient en santé. Puis moi-même, je ne veux pas être confronté à la maladie. Je suis plus dans une dynamique en tant qu'égo d'évitement de la maladie, vouloir être en santé à tout prix. Sauf que dans les faits, quand je regarde les choses froidement, je suis obligé d'admettre que le corps biologique est une forme limitée qui sert à véhiculer de la conscience dans un espace-temps donné et qu'elle appartient à un cycle de vie qui a ses limites. Par contre, pour ce qui est de la conscience, elle existe par-delà le corps physique. Et la conscience de l'esprit avec un grand E, qu'il y ait un corps physique ou pas, sur le plan biologique, cette conscience dans le fond, est de nature éternelle, elle existe toujours. Donc, c'est pas dramatique à ce niveau-là, la fin d'un corps biologique. Ici, c'est pas un appel au suicide, là. C'est tout simplement un appel à être réaliste par rapport au fait que l'univers n'a pas eu de début, il n'y aura pas de fin non plus. Et la conscience universelle, dans le fond, est en relation avec le principe qui avait été énoncé dans le domaine de la physique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Une somme des êtres de transformation. Puis le principe de l'intelligence, c'est, prenons par exemple quelqu'un qui est malade, la personne peut chercher à guérir tout en visant être dans la paix, dans le mental. Si la personne n'est pas capable de guérir ou son état se dégrade puis elle sait qu'elle va mourir de la maladie, bien, c'est ultimement d'être en paix avec elle-même en dépit de la situation et de l'événement pour ne pas se faire astraliser par la situation et l'événement et décentrer pour conserver tout le long un mental intact et cohérent propice à la paix de l'esprit puis agir pour conserver sa paix. Dans certains cas, agir pour conserver sa paix, c'est de prendre de la médication à des fins curatives ou des soins de confort. Prenons par exemple quelqu'un en fin de vie qui va prendre de la médication dans l'optique, ce qu'on va appeler au Québec, de mourir dans la dignité, autrement dit l'euthanasie, selon ce qu'elle a à accomplir. L'important, c'est que la personne soit en paix avec elle-même tout le long de sa vie. Donc, il y a une cohérence entre la conscience de l'ego et la conscience de l'esprit pour qu'en réalité, il y ait une unité de conscience qui soit en opération et qui n'est pas interférée ou parasitée par le plan astral. Bon, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.